Attente. À Sophie. Elle a les yeux dans le vague à l'âme, et moi je voudrais plonger dans l'océan de ses yeux. Elle attend, nue, offerte au vent marin, que surgisse enfin son Ulysse barbu, buriné de soleil, chargé d'un long voyage aux confins du paysage qui s'étale devant elle. Au cœur de ce songe, elle le voit qui la prend, fière et sauvage athlète, à la croisée de ses cuisses et de ses seins purs délices, tandis qu'hurle les vents d'une soudaine tempête où leur passion les plonge. Son sexe puissant soleil ferait au sein des merveilles, dans une union ô combien plus sereine que les mensonges des sirènes. Elle attend, toute nue, offerte et soumise, que ce rêve qui s'éternise, déchirant les nues, enfin se réalise. Et moi, je voudrais plonger dans l'océan de ses yeux qui, dans le vague, me donnent le vague à l'âme.